Pauline à la plage. Pauline à la page. Pauline à l'image. Colore le paysage. Pauline en plastique. Tout électronique. Pauline hydraulique part en Amérique. Pauline partout, Justine nulle part. Justine nulle part. Pauline partout, Justine nulle part. Justine nulle part. Pauline.